On peut être croyant ou au contraire athée ou non-croyant, c'est-à-dire une personne qui ne croit pas en un Dieu. En plus des catholiques, il y a en France des protestants, des juifs et des musulmans. Chaque communauté religieuse a un représentant religieux qui célèbre le rite, la cérémonie religieuse, dans un lieu de culte qui est sacré, c'est-à-dire un lieu qu'on doit respecter. Les personnes qui assistent régulièrement au culte sont pratiquantes. Dans le catholicisme, les curés ou prêtres célèbrent la messe dans une église. Dans le judaïsme, les rabbins célèbrent l'office dans une synagogue. Dans l'islam, les imams dirigent la prière dans une mosquée. Dans le protestantisme, les pasteurs pratiquent le service dans un temple. Les catholiques, les orthodoxes et les protestants sont des chrétiens. Ensemble, ils forment le christianisme.